بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل قراءتنا في القواعد المثلى سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. Donc on va continuer, Inch'Allah, sans plus attendre, sur notre étude et notre lecture du livre concernant les règles exemplaires liées aux attributs divins, aux attributs d'Allah عز وجل et à ses noms parfaits. Et donc, dans la dernière assise, on a commencé l'étude des règles concernant les textes liés aux noms et aux attributs. Donc, comme on l'avait cité dans la dernière assise, on avait dans les assises précédentes et les cours précédents étudié des règles concernant les noms. Ensuite, on a étudié des règles concernant les attributs. Et là, l'auteur, maintenant, dans ce fasl, va nous enseigner des règles concernant ce qu'il a nommé Al-Adillah. Ce qu'on a concernant Al-Adillah. C'est-à-dire concernant les preuves. Comme on avait dit, Al-Adillatu, c'est le pluriel de Dalil. Donc, c'est très pertinent du fait que l'auteur nous ait d'abord enseigné des règles très importante concernant les noms d'Allah, ensuite des règles concernant les attributs. Maintenant, on commence l'étude concernant des règles liées aux preuves, liées au texte concernant les noms et les attributs, comme vous allez pouvoir le voir dans ce qui va suivre. Donc là, on est dans un sujet aussi très important, puisqu'on va parler des textes, des preuves, concernant Al-Asma wa Sifat, concernant les noms et les attributs. Donc c'est très important. Donc ces règles qui vont suivre, pour bien comprendre justement Al-Adilla wa Nusus, les textes et les versets, ou bien des hadiths prophétiques authentiques, concernant les noms du Créateur ainsi que ses attributs. Donc ces règles vont nous aider justement à bien comprendre et avoir une bonne approche et une bonne compréhension de ces textes. Il dit premièrement, puisqu'il va évoquer différentes règles, dans la première règle, donc l'auteur nous enseigne que Al-Adillatu allati nuthbitu biha al-asma lillahi ta'ala wa sifatihi. Donc il nous dit d'abord ce qu'il nomme Adilla, donc comme on a cité précédemment dans la traduction, qu'on traduit par l'épreuve. Ce qu'il sous-entend ici par l'épreuve, c'est-à-dire l'épreuve du noble Coran et de la tradition prophétique, la Sunna. Donc ce qu'il veut dire, ce qu'il sous-entend ici par l'épreuve, Al-Adillah, c'est-à-dire Al-Kitabu wa Sunna. Fala nuthbitu asma'u lillahi aw sifatu bi ghayrihima. Aw fala tuthbatu asma'u Allahi wa sifatuhu bi ghayrihima. Pour cela, il dit, on ne peut affirmer ni de nom ni d'attributs pour le Créateur, si ce n'est par le Coran ou la Sunna. Ce qui nous est rapporté et indiqué dans le Coran et dans la Sunna. C'est pour cela que le sujet est très important. Et donc, il va nous mentionner ses règles concernant les textes liés aux attributs et aux noms. Wa ala hadha, pour cela, il a dit, comme on l'avait déjà mentionné, فَمَا وَرَدَ إِثْبَاتُهُ لِلَّهِ تَعْلَى مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابِ أَوْ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُنَّةِ وَجَبَ إِثْبَاتُهُ وَمَا وَرَدَ نَفْيُهُ فِيهِمَا وَجَبَ نَفْيُهُ مَعْ إِثْبَاتِ كَمَالِ ضُدِّهِ وَمَا لَمْ يَرِدْ إِثْبَاتُهُ وَلَا نَفْيُهُ فِيهِمَا وَجَبَ التَّوَقُّفُ فِي لَفْظِهِ فَلَا يُثْبَتُ وَلَا يُنْفَى لِعَدَمِ وُرُودِ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ فِيهِ. Et donc ça, on l'avait mentionné hier, de sorte que, dans la dernière assise, de sorte que la règle dit, donc ce qui est affirmé dans le Coran, nous l'affirmons, ainsi que ce qui est affirmé comme nom et attribut dans la tradition prophétique, nous l'affirmons. Par contre, ce qui est nié comme attribut, pourquoi ? Parce qu'on avait appris qu'il y a des attributs qui rentrent dans la catégorie d'attributs niés, qui sont à nier. Alors, on nie cela avec, bien sûr, l'affirmation du contraire, de la perfection opposée. Lorsqu'on nie, on a dit, on verra cela plus en détail, lorsqu'on nie un attribut nié, en même temps, on affirme la perfection opposée. وَمَا لَمْ يَلِتْ إِثْبَاتُ وَلَا نَفْيُهُ فِيهِمَا. Et par contre, et ça on va l'expliquer, c'est très important, ce dont ni l'affirmation, ni la négation est présente ou mentionnée dans les textes, alors là il dit on s'abstient. Et ça, vous allez voir, c'est un sujet très important. On va essayer de prendre le détail dans cette assise si on a le temps. Dans le commentaire de ces paroles, dans l'interprétation, l'auteur nous dit premièrement, on comprend donc que la yumkin an nuthbita lillahi azza wa jal isman wa la sifatan illa min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qu'on comprend à travers ce qu'on vient de lire? Donc ça, c'est la parole, c'est l'écrit de l'auteur. Qu'est-ce qu'on comprend en résumé? C'est qu'il n'est point possible d'affirmer que ce soit des noms pour Allah Azzawajal ou bien des attributs, si ce n'est qu'ils soient tirés des textes sacrés, du Coran et de la Sunna, comme cela est clair et comme cela on l'a appris précédemment. وَقَدْ عَرَفْنَا أَنَّ الصِّفَاتِ أَوْسَعْ مِنَ الْأَسْمَى. Avec ce dont nous avons appris aussi précédemment, le fait que le domaine des attributs est plus vaste que le domaine des noms, dans ce qu'on a appris dans les assises précédentes. لَكِنْ إِذَا قَالَ قَائِلْ. Mais il dit, si une personne maintenant se pose la question, et peut se poser la question, لَكِنْ إِذَا قَالَ قَائِلْ إِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ عَنِ السَّلَفِ وَعَنِ الصَّحَابَةِ رضي الله تعالى عنهم خاصة هل نثبته أو لا نثبته. Maintenant, on pourrait se poser une question, puisqu'on a dit que ce qui fait office de référence dans l'affirmation des attributs et des noms, ce sont les textes sacrés, Al-Kitab ou Al-Sunnah. Par contre, si dans le domaine, par exemple, de l'Asma ou Sifat, il nous est rapporté certaines choses de pieux prédécesseurs, de grands imams ayant vécu dans les premiers siècles, ou bien de compagnons dans le sujet, dans le domaine. Si maintenant il nous parvient, il nous est rapporté certaines choses venant de compagnons, est-ce que nuthbit ou la nuthbit? Il dit, est-ce qu'à ce moment-là on affirme ce qui est rapporté par exemple de compagnons, ou bien on n'affirme pas? Pourquoi? Parce qu'on a dit la référence dans le domaine, c'est Al-Kitabu wa Sunnah, c'est le Coran et la Sunna. Maintenant, si dans ce domaine, dans le domaine des noms et des attributs, il nous est rapporté quelque chose de compagnons, parmi les noms, Al-Asma wa Sifat, Al-Nuthbit, est-ce qu'à ce moment-là, on doit affirmer ou bien on n'affirme pas? Al-Jawabu, il dit la réponse. أن القاعدة عند علماء المصطلح أنه إذا كان هذا الصحابي من من عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فإننا لا نقبل قوله لأن هذه أمور غيبية ليس للعقل فيها مجال حتى نقول هذا رأي. هذا رأي له وإن لم يكن من من عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فإننا نأخذ بقوله لا على أنه قوله ولكن على أن له حكم الرفع وقد ذكر علماء المصطلح رحمهم الله أن ما ورد عن الصحابي مما لا مجال للعقل فيه ولا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل فإن له حكم الرفع كأخبار القيامة وما أشبه ذلك. Il dit en réponse, les grands savants, les grands théologiens du domaine de l'mustalah, des terminologies, ont émis une règle, que ce qui nous vient des compagnons dans des domaines qui touchent l'inconnu et l'invisible, c'est-à-dire le domaine de ce qu'on appelle al-ghayb, la connaissance de l'inconnu et l'invisible, alors les savants disent, si il nous parvient quelque chose du domaine de al-ghaybiyya, de l'inconnu et de l'invisible, de compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors les grands savants en la matière prennent en considération, premièrement, est-ce que ce compagnon fait partie des compagnons qui prennent des contes, des histoires anciennes et des informations anciennes concernant Banu Israël. Comme vous savez, à l'époque des Arabes dans la péninsule arabique, il y avait des gens du livre. Et parmi les gens du livre, il y avait Banu Israël, les enfants d'Israël, qui avaient la connaissance en les écritures. Et donc, eux, ils rapportaient et comptaient, narraient certaines histoires datant de prophètes anciens, datant d'anciens peuples. Donc, eux étaient connaisseurs des écritures. C'est pour ça que même chez les Arabes, à l'époque, dans les péninsules arabiques, les contes, les récits des enfants d'Israël, étaient célèbres. Et beaucoup de gens, parfois, lorsqu'ils parlaient de domaine de la résurrection, du domaine de certaines histoires de peuples, de prophètes, alors il faisait référence aux récits et aux contes rapportés par les enfants d'Israël. De sorte qu'il est connu que certains compagnons parfois rapportaient ces récits et faisaient référence à ces récits anciens que pouvaient raconter et enseigner Banu Israël, les enfants d'Israël qui faisaient partie des gens du livre et qui avait une connaissance aux écritures. Donc, les compagnons, par exemple, certains compagnons, c'est arrivé et c'est connu, c'est célèbre dans le domaine que parfois ils racontaient et rapportaient ces histoires anciennes de Banu Israël. À ce moment-là, si un compagnon lui rapporte des récits de Banu Israël et par exemple dans ce domaine-là, alors, les savants disent que lorsque c'est dans le domaine, par exemple, de l'asma wa sifat, dans le domaine de choses où il n'y a pas de place à la raison humaine, comme on a dit précédemment, c'est pour ça que c'est très important, en ce qui concerne le domaine des noms du Créateur d'Allah Azzawajal et de ses attributs, des qualificatifs, des attributs d'Allah Azzawajal, il n'y a pas de place pour la raison. On ne peut pas inventer notre conception. La conception de l'être humain est limitée. Il ne peut pas décrire Allah subhanahu wa ta'ala comme bon lui semble. Et comme c'est un domaine où il n'y a pas de place à la raison, mais ces domaines, l'akhbar, c'est les informations qui nous sont contées et rapportées dans les contes anciens. Pardon, dans les textes sacrés, dans les textes du Coran, al-Kitab, wa sunnah. Donc de ce fait, il n'y a pas de place à la raison ni à l'opinion. On ne peut pas attribuer un attribut à Allah Azzawajal par rapport à notre opinion personnelle ou par rapport à notre pensée personnelle, aux philosophies personnelles. Pourquoi ? Parce que c'est le domaine, pour nous, qui nous est inconnu. Allah Azzawajal nous a informé à son sujet, qu'il a des noms, et il nous a informé au sujet de ses noms, de certains de ses noms, dans les textes sacrés. Donc nous affirmons ce qu'Allah Azzawajal ou son envoyé ont affirmé comme nom et attribut. Donc si, par exemple, le sahabi, le compagnon, Urifa, il est connu qu'il rapporte des récits, par exemple, de Banu Israël, l'auteur ici nous dit, donc là, ce n'a pas le statut. Le jugement de ce qui est rapporté, ce n'a pas le jugement et le statut de marfoua. Marfo, on avait déjà détaillé dans les assises précédentes le sens de cela. Marfo, c'est-à-dire que ça remonte jusqu'au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, si ce compagnon n'est pas forcément connu pour rapporter des récits de l'époque ancienne de Banu Israël, alors ce qu'il va rapporter dans le domaine de l'invisible et de l'inconnu, comme par exemple les choses de la résurrection, du jour dernier, ce qui se passera dans la résurrection, alors ça a le jugement de Marfoua. Marfoua, c'est-à-dire, ça remonte jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce que si un compagnon parle dans le domaine de, du savoir de l'inconnu, ce qui n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, au créateur, c'est qu'il l'a pris du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, à la base, le compagnon n'avait pas connaissance de ces choses-là. Si ce n'est par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que parfois, les compagnons rapportent des choses du monde de l'invisible, du savoir de l'invisible qui n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, mais les savants acceptent et disent que ça a le jugement, le statut de marfoua, c'est-à-dire remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si le compagnon ne le stipule pas. Il ne dit pas « le prophète a dit ». Il va parler de la résurrection, du monde de l'au-delà. Même s'il n'a pas dit « le prophète a dit », mais les grands savants considèrent qu'en fait, ça, le jugement de Marfoua, c'est-à-dire que ça remonte jusqu'au prophète, c'est-à-dire ils n'ont pu apprendre cela que par le biais de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa ala, alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la réponse à ce qu'il a mentionné. Il dit tenbih et une portée d'attention. Il dit une portée d'attention. Le compagnon Abdallah ibn Abbas, par exemple, qui était célèbre parmi les référents, la référence même dans l'interprétation du Coran. Par exemple, Abdallah ibn Abbas, certains, on peut dire que lui fait beaucoup référence au récit de Banu Israël. Or, en réalité, les spécialistes en la matière savent que Abdallah ibn Abbas, en réalité, non, était prudent dans ce qu'il rapportait, dans l'interprétation du Coran. Comme a dit le Moussanif, « مثل بعض علماء المصطلح من يأخذ عن بني إسرائيل بابن عباس وابن عباس من أشد الناس تحذيرا من الأخذ عن بني إسرائيل كما جاء في صحيح البخاري. » Pourquoi ? Parce que certains savants de la terminologie, justement, ils ont émis que Abdallah ibn Abbas fait partie de ceux qui rapportent ce qu'on appelle Israiliyat, ces récits des gens du livre, de Banu Israël, des enfants d'Israël. Or, beaucoup de spécialistes en la matière disent qu'en fait, c'est pas forcément vrai et véritable cela. Pourquoi ? Parce que justement, Abdallah ibn Abbas était connu et célèbre pour l'inverse de justement ce qui lui est attribué. Radiallahu ta'ala anhu. Qu'Allah l'agrée. Len yardi'u ila ma ja'a fi kitabikum fa ankara hada ashad al-inkar wa la shakka anna ba'd al-nas qad yaghfulu an hadithin warada ma'a annahu bahrun fi al-hadith. لأن الإنسان لا يحيط بكل شيء علما أحيانا يرد نفي حديث في فتح الباري وناهيك بابن حجر اطلاعا وإذا هو بنفسه ذكره في موضع آخر ولذلك نقول إن الذين عدوا بن عباس ممن عرف بأخذ عن بني إسرائيل لم يبلغهم أن بن عباس ينكر الأخذ عن بني إسرائيل. Donc ça, c'est un tenbi que l'auteur fait. Ensuite, il pose une autre question. Ensuite, l'auteur nous pose une autre question. Donc là, il a répondu en fait à deux questions. Il dit, هل يمكن أن نأخذ أو أن تأخذ أسماء الله وصفاته من إجماع السلف رحمه الله رحمهم الله. Une autre question, est-ce qu'on pourrait, par exemple, prendre, accepter, affirmer des noms ou bien des attributs d'Allah Azza wa Jal par le consensus par le consensus de pieux prédécesseurs. Le fait qu'il y ait un consensus de pieux prédécesseurs. Vous avez vu tout ce qu'il énumère l'auteur ici, pourquoi ? Parce qu'on vient de dire que ce qui fait office de référence dans l'affirmation des noms et des attributs, on a dit c'est les textes sacrés, Al-Kitabu ou As-Sunna. Donc ensuite l'auteur nous a répondu à certaines questions, mais si maintenant il nous est rapporté de compagnons, est-ce qu'on se doit d'affirmer ou de ne pas affirmer ? Il a répondu à cela. Maintenant, s'il nous est rapporté dans le domaine quelque chose où il y a ijma, il nous est rapporté un consensus. Par exemple, on n'a pas forcément des preuves dans le Coran, dans la Sunna, mais on a le consensus des salafs sur le sujet. Est-ce qu'à ce moment-là, on accepte, on affirme ou non ? Vous avez vu, ça, c'est des questions très importantes et sensibles dans le domaine. Il dit, c'est pour ça, écoutez bien, وَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ تُوْخَدَ أَسْمَاءُ اللَّهِ وَصِفَاتُهُ. Regardez, et je vous traduis littéralement ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut prendre, littéralement, des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal du consensus des salafs ? Lorsqu'il y a consensus des salafs, est-ce que le consensus des salafs fait office en quelque sorte de délil, de preuve dans le domaine ? Et il dit « Al-Jawabu, la yumkinu an yujada ijma'un min as-salaf illa mabniyan 'ala al-kitabi was-sunnah wa hina idhin fal-marji'u huwa al-kitabu was-sunnah li'anna al-asma' was-sifat al-'ilmu bihima min bab al-'ilmi bil-khabar laysat ahkaman yadkhuluha al-qiyas hatta naqul rubbama yakunu ijma'un 'an qiyas walakinnaha umurun tudraku bil-khabar wa hina idhin لا يمكن أن يوجد إجماع إلا مستندا إلى خبر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالمرجع إذن في إثبات أسماء الله وصفاته إلى الكتاب والسنة لكن أحيانا لا نطلع على دليل الكتاب والسنة ولكننا نطلع على الإجماع فنقول إن الإجماع هنا لابد أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة وهناك إشكال في التعبير حيث قلنا الأدلة وسيأتي الكلام على هذا بعد الترجمة بإذن الله يقول Donc il dit la réponse à cette question. Est-ce qu'on prend des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal par le consensus des salafs ? Il dit, il n'est pas possible. Écoutez bien ce qu'il dit. En réponse, il dit il n'est pas possible qu'il y ait un consensus des salafs, des pieux ancêtres, des premiers, en fait, les salafs, les premiers de cette nation, sans que celui-ci soit fondé, cet ijma'-là, ce consensus-là, sur le Coran et la Sunna. Sur le kitab ou la sunna. Wahina idhin. Donc, s'il ne peut pas y avoir de consensus des premiers, sans que celui-ci soit bâti sur al-kitab ou la sunna, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela revient à dire que la référence, donc, est le Coran et la sunna. Les nobles textes. Les textes sacrés de l'kitab. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas y avoir de consensus des premiers sans que celui-ci soit fondé et bâti sur Al-Kitab et Wassunna. De sorte, il dit, parce que les noms et les attributs divins d'Allah Azza wa Jal, Al-Ilmu bihima min bab al-ilm bil-khabar, le savoir et la connaissance dans ce domaine des noms et des attributs, c'est lié au savoir en l'information, je vous le traduis littéralement, au savoir en l'information, c'est-à-dire al-khabar, c'est-à-dire il nous faut, pour pouvoir affirmer un nom ou bien un attribut, un khabar, une information. Cette information nous vient et nous est rapportée dans les textes sacrés, al-kitab wa sunnah, dans le Coran et la tradition prophétique. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le domaine des noms divins et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on les affirme par la voie de quoi ? du khabar, de l'information. Si on n'a pas l'information qui nous est parvenue, c'est-à-dire on n'a pas de texte, Allah nous a pas informé. Lorsqu'on dit d'information, c'est-à-dire al-khabar, c'est qu'Allah nous a informé. Si Allah nous avait pas informé au sujet de ces noms, glorifié soit-il, est-ce qu'on aurait pu les connaître? Non. Est-ce qu'on aurait pu les connaître par la voie de la raison, al-aql? Non. Est-ce qu'on aurait pu les connaître par la voie, par exemple, de l'analogie? On aurait fait du qiyas, de l'analogie. Non. Le domaine des noms et des attributs, c'est min bab al-ilm bil-khabar, la connaissance de l'information. Allah Azza wa Jal nous a informés au sujet de ces noms et de ces attributs. Et donc, contrairement, par exemple, il dit, contrairement dans la religion aux jugements et aux lois, certaines lois, on peut les affirmer par le biais du qiyas, de l'analogie par exemple. Par le biais du qiyas. Par contre, dans le domaine de l'asma ou sifat, on ne peut pas affirmer des noms, des attributs par la voie du, par le biais du qiyas, de l'analogie. Rubbama, par exemple, en ce qui concerne l'analogie, yakun ijma'un an qiyas. Il peut y avoir un consensus sur l'analogie. Sur une analogie, il peut y avoir, par exemple, sur une forme d'analogie et de raisonnement, un consensus. Ça, ça peut se produire. Par contre, lakinna umur tudraku bil khabar. Par contre, les choses dont on ne peut avoir la connaissance de celle-ci que par le biais de l'information. Vous comprenez maintenant lorsqu'on dit l'information du fait qu'Allah nous a informé au sujet de cela. Alors, les choses dont on ne peut avoir la connaissance que par le biais de l'information, de ce fait, il ne peut y avoir de consensus chez les premiers que par le fait que celui-ci soit fondé sur Al-Kitab et Wa-Sunnah, les textes sacrés du livre d'Allah et de la Sunna prophétique. Donc, il dit, on revient, on fait que donc, la référence dans l'affirmation des noms et des attributs, c'est Al-Kitab et Wa-Sunnah. Vous comprenez maintenant ce que nous enseigne l'auteur. Par contre, il dit maintenant, ça peut arriver que parfois ça peut arriver que on n'a pas eu connaissance de la preuve. La preuve du Coran ou bien de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit parfois ça peut arriver donc on n'a pas eu la connaissance de la preuve. Dans ce cas-là, regardez ce que l'auteur nous enseigne. Comme il dit, d'une manière littérale, لكن أحيانا لا نطلع على دليل الكتاب والسنة. Parfois, on n'a pas eu connaissance de la preuve du Coran ou de la Sunna, mais on a eu connaissance du consensus. Donc, ça peut arriver parfois, on a connaissance d'un consensus, c'est-à-dire d'une unanimité, mais on n'a pas eu la connaissance du texte, de la preuve dans le Coran et dans la Sunna. Fanaqulu, il dit nous disons inna al-ijma'a huna la budda an yakuna mustanidan ila al-kitab wa sunnah. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Il dit nous disons que s'il y a eu consensus, forcément c'est que ce consensus est fondé sur al-kitab wa sunnah. Donc si vous voulez, on revient toujours à la règle de base. En fait, même si vous prenez le consensus à ce moment, celui-ci ne peut que être fondé sur le Kitab et le Sunna. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir un consensus dans ce domaine-là de l'Asma et Wasifat non fondé sur le Kitab ou le Sunna. Il dit, هناك إشكال. Il dit, on a une problématique dans l'expression Al-Adilla. Il y a une problématique puisque l'auteur a dit des règles concernant Al-Adilla. qu'on traduit littéralement par l'épreuve. Il dit une petite problématique concernant le terme qu'il a mentionné l'auteur, Al-Adilla. Haythu qulna, du fait que nous avons dit, vous avez vu, l'auteur parle de lui. Il parle de lui, fait allusion à lui-même. Lorsque nous disons Al-Adilla, il dit, et nous n'avons pas mentionné deux choses. Le Coran et la Sunna. On a dit, d'une manière générale, l'épreuve. Wal-jawab ala hadha al-ishkal. Donc, l'auteur s'est exprimé en disant les règles concernant l'épreuve, puisque là, on est dans l'explication du début de l'écrit de l'auteur dans cette règle, du début de la règle. Il dit règles concernant l'épreuve liées au nom et aux attributs. Il dit, il n'a pas dit règles concernant l'épreuve du Coran et de la Sunna. Il a dit l'épreuve d'une manière générale. Pourquoi ? Il dit la réponse à cette problématique. Le sens ici de comprendre lorsqu'il dit l'adilla, il dit l'épreuve, c'est al-jins. C'est en quelque sorte l'espèce, la nature même d'épreuve. Ce qu'il veut sous-entendre. Wa illa fa'inna al-kitaba fihi mi'at al-adilla. Parce que sinon, dans le Coran, il y a de nombreuses preuves. Il y a dans le Coran de nombreuses preuves. Wa kadhalika sunnah. Et aussi dans la sunna. Et aussi dans la sunna. Taïb. Ensuite, il dit, l'auteur ensuite a dit, وَعَلَى هَذَا فَمَا وَرَدَ إِثْبَاتُهُ لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ فِي الْكِتَابَ وِالسُنَّةِ وَجَبَ إِثْبَاتُهُ. Ensuite, l'auteur, il commence, et lorsqu'il a débuté la mention de cette règle, il a dit au début, après avoir dit, الْأَدِلَّةُ الَّتِي تُثْبِتُ بِهَا أَوْ تُثْبِتُ بِهَا الْأَسْمَى لِلَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. Après qu'il ait dit cela, regardez, il dit وعلى هذا, pour cela, ce qui est mentionné ou ce dont l'affirmation d'un attribut pour Allah est mentionné dans le Coran ou bien dans la Sunna, il est une obligation de l'affirmer. Lorsqu'il y a une affirmation d'un attribut qui est mentionné dans le Coran, bien dans la Sunna, il dit, il est une obligation de l'affirmer. Par exemple, il dit, l'attribut de l'basar, qu'on traduit de manière littérale, relative, la clairvoyance. L'attribut de la clairvoyance, il dit, warada ithbatuhu, son affirmation est mentionnée. Warada ithbatuhu, celui qui observe le Coran, il verra l'affirmation de l'attribut de Al-Basar, la clairvoyance en quelque sorte. Donc de ce fait, il nous incombe de l'affirmer, puisque l'affirmer est mentionné, est venu dans les textes. Wa qawluhu fama warada. Donc, il dit, lorsque on dit, il a bien cité en arabe, il dit dans la règle, fama warada. Warada, on pourrait le traduire par ce qui est venu, ce qui est mentionné dans les textes. Je vais traduire ce qui est cité et mentionné dans les textes. Même s'il ne l'a pas dit, il dit, ça veut dire quoi ? Dans le sens, ce qui est venu mentionné, cité dans les textes de voix authentique. Même s'il ne l'a pas stipulé dans l'œuvre et dans l'écrit. Il dit, mais ce qui est sous-entendu, de voix authentique en ce qui concerne le domaine de la sunna. En ce qui concerne le domaine de la sunna. Pour la sunna, contrairement au noble Coran, pour la sunna, ce qu'on affirme, c'est ce qui est venu de voix authentique. Et non de voix faible. Il faut que de manière authentique, l'information remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, il dit, ولهذا كان على المؤلف أن يذكر هذا القيد. Il dit, il convenait à l'auteur de bien stipuler cette condition. Regardez, Ici, Cheikh Ibn al-Uthaymeen, il fait allusion à lui-même lorsqu'il dit convenez à l'auteur. L'auteur, c'est lui. Donc il fait allusion à sa propre personne et dit il convenait qu'il mentionne al-qaïd, la condition. En ce qui concerne la sunna, il faut que pour l'affirmation des noms et des attributs, il faut que cette affirmation provienne de récits prophétiques authentiques et non faibles. لأنه قد يرد في السنة حديث ضعيف فيه إثبات اسم من أسماء الله عز وجل. Pourquoi? Parce qu'il y a, est-ce qu'il y a des récits par exemple où il peut y avoir l'information d'un nom parmi les noms d'Allah عز وجل, mais le récit est faible, est jugé non authentique? Oui. Donc c'est déjà arrivé. Donc il y a parfois, par exemple, un nom parmi les noms d'Allah qui est affirmé, mentionné, cité dans un hadith, mais le hadith ne nous est pas parvenu de voix authentique. Qala par exemple, il dit, c'est pour cela qu'il faut conditionner à cela, en ce qui concerne la sunna, que le texte soit authentique. Kama qala fala budda min qaid sihhati fi ma warada fi as-sunnati min dhalika kalimat. Par exemple, il nous est parvenu dans un hadith, parmi les noms d'Allah Azzawajal confirmé dans un récit, As-Sittir. Un des noms, As-Sittir. Il dit, As-Sittir, fi qawlihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, inna Allah hayyun sittirun. Et là, dans un récit, il est dit qu'Allah est hayyun, l'un des noms qu'on avait déjà étudié dans ce qui a précédé, et sittirun. Il dit sittirun haythu lam ajidhu bihadha al-lafz. Il dit moi ce lafz de là, le nom soit cité comme ça, sittir, il dit je ne l'ai pas trouvé. Comme cela il dit je ne l'ai pas trouvé. Wa innama alladhi wajadtuhu, mais ce que j'ai pu trouver, c'est-à-dire l'auteur après des recherches, ce qu'il a retrouvé dans le livre célèbre qui se nomme An-Nihaya, An-Nihaya fi Gharib al-Hadith. An-Nihaya fi Gharib al-Hadith. Il a trouvé dans ce livre-là qu'on vient de citer, et l'auteur de ce livre, justement, An-Nihaya fi Gharib al-Hadith wal-Athar, c'est un savant qui est savant et érudit dans la langue arabe, mais aussi dans le domaine du Hadith. Dans le domaine du hadith. Donc l'auteur du livre est célèbre comme savant et érudit dans le domaine de la langue arabe et aussi dans le domaine du hadith. Et dans son livre An-Nihayati fi Gharib al-Hadith, le nom qu'on retrouve c'est Satir. Satir sur le même modèle, le même schéma que Samir. Satir. Samir. Le même modèle. Qala satir ka sami' wa sahib an-nihayati 'alimun fi al-lughati wa fi al-hadith wa qala innaha satir. Et l'auteur justement de ce livre, An-Nihaya fi Gharib al-Hadith, lui, il dit que le terme c'est satir et non sitir. على أني لا أنكر أن يكون في اللغة فعيل بمعنى المبالغة. Il dit malgré, Cheikh Ibn al-Uthaymeen, qu'est-ce qu'il dit? Malgré que moi je nie pas le fait que dans la langue arabe le modèle, le wazn, le fait que le terme soit sur le modèle fi'il comme sittir, il dit je nie pas cela. Que ce modèle vient dans le sens de l'mubalara. Dans le sens de l'mubalara. On pourrait dire du superlatif. Traduction relative. Li'anna al-lughata wasi'a. Pourquoi? Parce qu'il dit en réalité la linguistique et la langue c'est quelque chose, c'est un domaine qui est immensément vaste. C'est un domaine vaste. Lakin kaununa nuthbitu hadha al-ism lillahi 'azza wa jalla bidun yaqin. Par contre que nous affirmons ce nom-là, Sittir, pour Allah Azza wa Jal, sans qu'on en ait la certitude, Là, il dit là. Il dit le fait d'affirmer par contre ce nom parmi les noms d'Allah Azzawajal. Bidouni yaqin, la yumkinu illa bidhabt min aw man yuthaqu bidhabtihi aw bin naqli mushafaha. Et dit on pourrait l'affirmer que vraiment d'une voix de ceux qui ont une maîtrise et qui rapportent avec exactitude. Donc là, c'est en ce qui concerne le passage lorsqu'il a dit ce qui nous est cité et mentionné dans les textes. Donc là, il a fait une allusion dans le commentaire, ce qui nous est mentionné dans les textes. Lorsque, par exemple, ensuite, il a dit et aussi, donc, ce qui est affirmé dans les textes du Coran et de la Sunna, nous l'affirmons parmi les noms, les attributs. Et ce qui est nié, il dit, nous le nions. Donc, il y a des attributs niés. Il dit à titre d'exemple. Par exemple, Al-Zulm, l'injustice. L'injustice, c'est quelque chose qu'on nie pour le Créateur subhanahu wa ta'ala. Mais ensuite, il a dit que pour la parfaite négation, pour la complétude de la négation, il faut affirmer la perfection opposée. Donc il faut affirmer son opposé. C'est-à-dire, à titre d'exemple, il dit فَالظُّلْمُ وَرَدَ نَفْيُهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى. Par exemple, l'injustice, la négation nous est rapportée dans les textes. Donc on nie toute forme d'injustice pour le Créateur subhanahu wa ta'ala. On nie l'injustice. Et cette négation de la justice, pour nier parfaitement l'injustice pour Allah, nous devons affirmer la perfection opposée. Ce qui est la parfaite justice. En même temps donc, lorsqu'on nie l'injustice pour Allah, Azza wa Jal, on affirme la justice, l'équité parfaite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela se fait là, la négation pour que celle-ci soit parfaite. Ensuite, il dit, et là, il y a dans le commentaire, on est toujours dans des passages du commentaire, il y a des passages qui sont très pertinents, concentrez-vous bien. Et vous avez vu, ensuite, l'auteur nous a dit, par contre, il y a des choses, on ne peut pas les affirmer, ni les nier. Il dit, il y a des choses, par exemple, puisque ensuite il dit, donc lorsque dans les textes sacrés, il y a l'affirmation de noms ou d'attributs, on affirme, c'est la règle. Lorsqu'il y a négation de noms et d'attributs, on nie, c'est la règle. Mais lorsqu'il, troisièmement, il n'y a pas de mention, ni de l'affirmation, ni de la négation, il a dit, on s'abstient. En quelque sorte, on garde le silence. On s'abstient. Il dit, parfois, plus tard, il y a des choses qui ont été mentionnées par Al-Muta'akhirun. Al-Muta'akhirun, c'est les grands savants musulmans qui sont venus dans les temps, on va dire, plus tard. Al-Muta'akhirun, avec la succession des époques, et lorsque le temps s'est écoulé, les siècles se sont écoulés, les savants qui sont venus plus tard, parfois ensuite, vont citer des choses et mentionner des choses qui n'ont pas été mentionnées par les premiers. Et surtout dans le domaine de l'aqida, de la croyance. Il dit pour ce fait, ces choses-là, elles ont été citées lorsqu'il y a eu l'apparition justement de Ilm al-Kalam, la théologie dialectique. Lorsque dans le monde musulman, il y a eu l'apparition et l'émergence de Ilm al-Kalam, la théologie dialectique, la spéculation, justement, dans ce domaine-là, il dit, donc des choses ont été affirmées. Et des choses ont été dites. فَمِنْهُمْ مَنْ نَفَهَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَهَا. Et donc vous trouvez des gens qui ont traité le domaine et parlé dans le domaine, ils ont affirmé des choses. Et vous allez retrouver d'autres savants qui ont nié certaines choses. Et dit, la raison, le convenable dans cela, la raison as-sawab, c'est de s'abstenir. C'est de s'abstenir. Et écoutez bien, parce qu'ensuite on va mentionner des exemples. As-sawab annana natawakkaf fil lafz. On s'abstient par contre sur une chose. Sur le lafz, l'énoncé, c'est-à-dire le terme. Il y a des termes plus tard qui vont être cités. puisque vous avez vu avec l'écoulement, la succession des temps et des époques, des débats ensuite vont émerger chez les savants musulmans. Pourquoi ? Parce que des doctrines vont émerger, des autres compréhensions vont émerger et des pensées vont émerger. Et donc surtout certaines doctrines, lorsqu'ils ont traité du domaine des noms et des attributs divins, ensuite il y a eu les doctrines de la négation, les doctrines de l'affirmation à l'extrême et autres. Donc les savants ont dû en débattre de ces questions. Et donc il y a eu des termes, l'emploi de termes ensuite qui ont émergé. Les savants se sont abstenus sur aussi bien la négation que l'affirmation. Mais sur le terme, c'est-à-dire ils s'abstiennent et gardent le silence sur le terme. Pourquoi on dit bien « al-lafz » sur le terme en lui-même ? Pourquoi ? Parce qu'il reste le sens. Et en ce qui concerne le sens, ils ont demandé explication. Ils se sont abstenus « fil-lafz » Lakin, regardez ce qu'il va dire. Wal-ma'na nastafsil. Il demande explication sur le sens. Ils emploient des termes. Les savants ont demandé quel est le sens à travers l'utilisation du terme voulu. Quel est le sens voulu à travers l'utilisation du terme. Donc regardez ce qu'il dit. Et ça, ça va vous... Pour ceux qui... aime lire dans le domaine de la croyance ou la aqida, et surtout dans comment les débats ont émergé dans les sociétés précédentes et dans les siècles précédents, ceux qui ont un goût à l'histoire et au domaine du débat théologique qui a eu lieu dans des siècles précédents jusqu'à aujourd'hui au sein de grands savants dans le domaine de la croyance et du dogme, ça va vous aider à comprendre des sujets. Vous allez voir, ça va vous aider avec les exemples qui vont suivre. Les savants, lorsqu'ils se sont abstenus, le shir nous enseigne, et c'est l'auteur, sur le terme. Par contre, ils se demandent d'explications sur le sens. Quel est le sens voulu à travers l'utilisation du terme ? Qala, al-lafzu la nuthbitu wa la nafi. Donc l'énoncé ou bien le terme, ni on l'affirme, ni on le nie. Comprenez bien la règle que je vous enseigne, comme ça lorsqu'on va mentionner les exemples, vous allez bien comprendre. Par contre le sens, on demande explication. Quel est le voulu ? Par contre, il dit à condition. On demande l'explication sur le terme si ce terme-là n'indique pas, ce nom-là par exemple, n'indique pas une imperfection. S'il indique une perfection, de toute manière, on n'affirme pas cela. Si par exemple le terme cité ou le nom cité dénote, sous-entend une imperfection, un naqs, là, il n'y a pas de discussion. Pourquoi ? Parce que l'obligation est de nier. Puisque là, on est dans la question. Nous affirmons ou nous nions ? Il dit, des noms ou des termes ont été cités lorsqu'il y a eu certains débats, surtout lorsqu'il y a eu l'émergence de la théologie dialectique. Certains noms ou certains termes, les savants se sont abstenus, ni dans l'affirmation ni dans la négation. Par contre, ils ont demandé le sens, à condition que ce terme ou ce nom ne dénote pas une imperfection. Si ça dénote une imperfection, là il n'y a pas de débat dessus, la règle est de nier. La règle est de nier. Donc il n'y a pas de question d'affirmer, la règle est de nier. Vous allez comprendre. Il dit ça, c'est l'extrême justice. C'est ça la justice. Regardez ce qu'il va dire. Et lorsque je vais vous donner des exemples, vous allez voir que vraiment, là, ça va vous soulager, en quelque sorte. Parce que certains, justement, certaines doctrines hérétiques, justement, se servent de ces termes-là pour mettre le doute sur la croyance des gens de la Sunna. Comme vous allez voir dans ce qui va suivre. En vous disant, regardez, tel savant, parmi les savants de la Sunna, ont affirmé telle et telle chose pour Allah Azza wa Jal. Or, ce n'est pas la vérité, le fait de dire que tel savant a affirmé cela, non. Comme vous allez comprendre dans ce qui va suivre. En fait, cette règle-là, puisque l'auteur a dit, ce qui ne nous est pas mentionné dans le Coran ni dans la Sunna, on garde le silence, on s'abstient. Ni on l'affirme, ni on le nie. Et dit ça, c'est la justice et l'équité. Rayatu ma yakunu min al-adab. Et ça fait partie du bon comportement qu'on doit à notre Créateur subhanahu wa ta'ala. De la bonne éthique et du bon comportement. Et dit wa rayatu ma yakunu min al-adabi ma'allahi azza wa jal wa rasulihi. C'est le bon comportement qu'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala et avec le prophète aussi. Puisque on va affirmer des choses qui nous sont rapportées dans la sunna authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de ne pas attribuer au prophète ce que lui n'a pas attribué à Allah, azza wa jal. Et de ne pas nier aussi ce que le prophète, l'envoyé, n'a pas nié pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez vu, le croyant, et à plus forte raison, a fortiori, les grands savants, les grands théologiens musulmans, se devaient de faire preuve de justice et de bon comportement envers Allah et son messager, dans le fait de ne pas affirmer ou nier ce dont ils n'ont pas affirmé ou nié. Qala naqul ash-shay'u alladhi lam yarid ithbatuhu wa la nafyuhu la yajuzu an nuthbita wa la an nanfiya. Et dit donc la chose qui ni l'affirmation nous est parvenue, ni la négation nous est parvenue, alors il nous incombe à nous de ni affirmer ni nier. وَلَيْسَ لَنَا الْحَقِّ. Et il dit, et ce n'est pas un droit pour nous de devancer Allah. C'est-à-dire, nous n'avons pas le droit, en d'autres termes, de devancer Allah et son messager dans l'affirmation ou dans la négation. Jusque-là, vous avez compris ? C'est clair ce qu'il dit ? Taïb, maintenant, on vient aux exemples. وَاِعْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَلْجَأُوا إِلَى هَذَا التَّفْصِيلِ إِلَّا لِأَنَّ أَهْلَ التَّعْطِيلِ أَلْجَأُوهُمْ إِلَى ذَلِكَ فِي مَسَلَتِ. Et là, il va citer les exemples. Pour bien que vous compreniez, et lorsque je vous ai cité les exemples, vous allez voir que c'est très pertinent que l'auteur, Achir, nous prépare bien. Sachez que les savants ont demandé explication et détail sur ces termes employés. Pourquoi ? La raison, parce que c'est les gens partisans de la doctrine de la négation qui ont poussé les savants, les grands savants, à demander explication sur ces termes qu'ils emploient et sur ces choses qu'ils affirment ou nient aussi pour le Créateur subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce qu'il va dire que les savants sont plus en droit de parler dans le domaine. Parce qu'il dit, regardez ce qu'il va dire. Il va dire, وَإِلَّا فَنَحْنُ فِرِنَا عَنْ هَذَا. Il dit, en fait, les savants n'auraient pas parlé de cela. Les savants n'auraient pas traité ces questions-là. Si il n'y avait pas eu l'émergence de théologiens qui ont spéculé dans le domaine des noms et des attributs. Et donc, ce qui a donné là le domaine et le savoir de ce qu'on appelle la théologie dialectique. Il dit, lorsque des hérétiques ont parlé dans le domaine, alors les savants devaient répondre et devaient traiter le sujet. Et il dit, لكن لما ألجأوهم إلى أن يتكلموا في هذا وجب على أهل السنة أن ينزلوا في الميدان ويتكلموا. Il dit, lorsque eux ont mené les savants justement à parler dans le domaine, il incombait aux savants de parler dans le domaine. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui sont plus en droit de parler du domaine et de dire telle chose est à affirmer ou telle chose n'est pas à affirmer, est à nier, ou bien telle chose on garde le silence, puisque c'est eux les spécialistes du domaine et les gens qui ont habilité à parler dans le domaine. Donc, À ce moment-là, Cheikh a dit, il ne convenait pas de garder le silence pour les savants. Il ne convenait pas de garder le silence. Il ne convenait pas. Mais il dit, mais sinon, parfois, garder le silence dans ce qui n'a pas été mentionné, cité, est meilleur. Comme on va le voir. Il dit, comme on va le voir, parfois, de garder le silence dans ce qui n'est pas mentionné et cité dans les textes sacrés est meilleur. La personne se met à l'abri de dire des choses sur Allah qui ne sont pas rapportées dans les textes sacrés. Mais il dit, il n'était pas possible de leur laisser Al-Maïdan. Wala yumkin an nada'a lahum al-Maïdan. Il dit, il n'était pas possible que nous, que les savants, on les laisse parler dans le domaine filmaudan ou anahnusakitun. Et nous, on se tait alors qu'ils parlent d'Allah, de l'essence même et l'entité même du Créateur subhanahu wa ta'ala, de ses noms et de ses attributs. Donc ça, c'est mes mots à moi pour bien qu'on puisse comprendre Al-Kalam. Moi, j'ai bien voulu traduire mot pour mot, littéralement, ce que dit le Shir. Et bien voulu qu'on se prépare pour que maintenant vous puissiez entendre ces exemples-là. Lorsque certains ont cité le corps, la direction, l'endroit, pour Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez vu, c'est des choses, l'endroit, al-jiha, al-jism, il dit des exemples. Donc lorsqu'ils ont parlé, masalat al-jism, le corps, wal-jiha, والحادث والمحدود وما أشبه ذلك. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant eux, dans les textes du Coran et dans la Sunna, il n'y a pas la mention de al-jism, du corps. Il n'y a pas la mention, par exemple, de la question de al-jiha, la direction, l'endroit. Qala. Donc l'auteur ensuite va nous mentionner, par exemple, ces questions-là. En ce qui concerne qala al-jiha, wa mimma lam yarid ithbatu wa la nafyu, parmi les choses qui ne sont pas mentionnées dans le Coran et dans la Sunna, la direction, l'endroit. Est-ce qu'il est affirmé un endroit, une direction pour Allah Azza wa Jalla? Le terme al-jiha, que moi je vous traduis par l'endroit, la direction, est-ce que vous trouvez cette mention-là dans le Coran, que ce soit affirmé? Est-ce que c'est affirmé le jiha? On n'a pas l'affirmation dans le Coran. Est-ce qu'on en a les négations? C'est ni nié. Ni c'est affirmé, ni nié. Il dit, « فَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌ هَلْ نُثْبِتْ لِلَّهِ تَعَالَى الْجِهَا » Si maintenant une personne pose la question, et dit, est-ce que donc on affirme pour Allah l'endroit, la direction, al-jiha? Si quelqu'un pose la question, nous répondons, قُلْنَا لَهُ لَفْظُ الْجِهَةِ لَمْ يَرِدْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَا إِثْبَاتًا وَلَا نَفْيًا. Nous disons que ce terme-là, le terme, la direction, l'endroit, n'est pas cité, n'est pas mentionné, ni dans le Coran, ni dans la tradition prophétique. وَيُغْنِي عَنْ مَا ثَبَتَ فِيهِمَا مِنْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي السَّمَا. Et ce qui est plus important, c'est qu'il nous est mentionné qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus des cieux. Ce qui nous est affirmé, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il est élevé, il s'est établi au-dessus de son trône. Subhanahu wa ta'ala. Wa amma ma'nahu fa imma an yuradu bi ji'atu sufl aw ji'atu 'uluwin tuhitu billah aw ji'atu 'uluwin la tuhitu bihi. Par contre, donc la mention de la direction de l'endroit, elle n'est pas mentionnée. Elle n'est pas affirmée dans le Coran, ni elle est niée. En ce qui concerne le sens, ça peut vouloir dire différentes choses. Lorsqu'ils disent la direction, qu'est-ce qu'ils veulent dire par l'endroit ou la direction? La direction, il dit, elle souffle en bas, ou bien il veut dire l'endroit, la direction vers le haut, mais limité. Le fait qu'il soit délimité. Ou bien la direction du haut sans qu'il y ait une délimitation. Sans que ce soit délimité. Vous avez vu différents sens. Qala. Donc quel est le sens voulu lorsqu'il parle de jiha, la direction. Fal awwal, donc si on demande explication sur le sens voulu lorsqu'il parle de al-jiha. Si c'est le premier sens, c'est-à-dire la direction du bas. Hadhihi batila. Il dit celle-ci est fausse. Celle-ci est batila, elle est nulle. لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. Pourquoi ? Du fait que ce qui nous est rapporté dans les textes, c'est l'élévation du Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc celle-ci, elle est impossible. Ce sens-là est non possible, advenu, non advenu. والثاني باطل أيضا. Le deuxième sens aussi, la direction du haut, mais délimitée, il dit ça aussi, c'est non advenu. C'est un sens nul et faux. لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. Pourquoi ? Parce que Allah est plus grand que sa créature puisse le délimiter. Subhanahu wa ta'ala. Donc, le troisième sens, qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de tout, il est élevé et détient l'attribut de l'élévation, il est élevé au-dessus de sa création, subhanahu wa ta'ala, sans qu'il soit délimité. Ça, le sens, est-ce qu'il est vrai ou faux? C'est vrai. Le sens là est vrai. لأن الله تعالى العلي فوق خلقه وَلَا يُحِيطُ بِهِ شَيْءٌ مِّنْ مَخْلُقَاتِهِ. Parce qu'il dit, Allah est le très haut, celui qui est au-dessus de sa création. Il est le plus haut, subhanahu wa ta'ala, sans que il soit délimité ou cerné par sa création. Subhanahu wa ta'ala. Ce sens-là est vrai. Ce sens-là est vrai. Voilà ce qu'il dit dans l'énoncé. C'est pour cela qu'il dit que donc là il y a l'explication, ça risque d'être encore un peu longue. Du fait qu'on a déjà développé la généralité de la parole de l'auteur, donc on va s'arrêter là, inshallah, et dans la prochaine assise on va continuer le détail de cette question là, le détail de cette question là. Donc vous voyez l'importance de bien comprendre cela. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, par exemple, certaines doctrines partisanes de la négation des attributs, ils disent par exemple, regardez, certains savants de la sunna affirment al-jiha, la direction et l'endroit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien d'autres, comme al-jism, le corps. Or, la règle chez les savants de la sunna, c'est de ne pas affirmer ce qui n'est pas affirmé dans le livre, mais de ne pas nier ce qui n'est pas nié. Donc, ils disent, on nie pas, mais on n'affirme pas. Ils gardent le silence sur cela. Par contre, ils demandent au sujet du sens. Quel est le sens voulu? Comme là, l'exemple qu'on a mentionné. Par exemple, dans la traduction, comment ils ont traduit les propos du shir. Parmi les choses qui n'ont été ni affirmées ni niées, il y a le mot al-jiha. Ici, ils l'ont traduit par la localité. C'est ce que j'ai traduit, c'est pas la direction, l'endroit, la localité. Si quelqu'un pose la question, est-ce que nous pouvons assigner à Allah une localité ? Nous lui répondons, le mot al-jiha n'est pas mentionné dans le Coran ni dans la Sunna, que ce soit pour l'affirmer ou pour le rejeter. Ce qui est attesté dans les deux sources, al-Quran ou al-Sunna, c'est qu'Allah est au-dessus des cieux. Subhanahu wa ta'ala. Il est fissama. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce qui permet de se passer du terme al-jiha. Donc on peut se passer en réalité du terme al-jiha. Parce que dans le Coran, il nous est dit « Annallaha fis-sama ». On peut se passer maintenant du terme al-jiha. Maintenant, on peut rester en réalité sur le terme en arabe, al-jiha. Alors, par contre, Cheikh dit, ça peut sous-entendre trois significations. Ce terme-là, al-jiha. Le bas, comme le haut qui cerne, ou bien le haut qui ne cerne pas, comme on l'a expliqué précédemment. Le premier sens est faux. Le premier est faux, et faux parce qu'il est contraire à l'élévation d'Allah le Très-Haut, attesté par le Coran, la Sunna, la raison, la prédisposition naturelle et le consensus. Le deuxième sens, le fait qu'il soit, qui signifie le haut, la direction du haut, qui cerne. Alors il dit ce deuxième sens est tout aussi faux et nul parce qu'Allah est si grand que rien parmi ses créatures ne peut le cerner. Rien parmi de ses créatures ne peut le cerner. Par contre, le troisième sens est vrai. Le fait de dire qu'Allah est élevé au-dessus des cieux et le fait qu'Allah est au-dessus de tout, au-dessus de sa création, est vrai parce qu'Allah le Très-Haut est effectivement au-dessus de sa création. Et rien de ses créatures ne peuvent le cerner. Et donc il dit, cette règle est prouvée par les arguments scripturaires et rationnels. Cette règle, c'est-à-dire qu'on est en train d'étudier